Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, nous sommes présents de tous les côtés des internets, mais tout le monde est là. Répondez présent, messieurs. Nous avons Lucien Alphonse. Salut Olus, salut les gars, salut tout le monde. Julien Rombaud. Hello tout le monde, salut, salut. Et notre ami avec l'accent qui chante, Manuel Haas. Il l'a de moins en moins, l'accent. Salut, Amish. Ah ouais, non, je l'ai perdu. Hein. Ça fait un peu trop de temps que je suis ici. Très bien. Bonsoir, messieurs. Aujourd'hui, nous avons élaboré un programme qui, disons, pour une petite émission un petit peu catalogue, un petit peu confiné, un petit peu VOD, qui va manger à tous les râteliers, mais surtout des râteliers américains. Même si nous commencerons ce programme avec Peninsula, le film coréen, du coup, de Yoon Sang-ho. Ensuite, on parlera de One Night in Miami de Regina King. On parlera également de The Witches, le film de Robert Zemeckis. Il y aura aussi La Mission, autrement dit News of the World, de Paul Greengrass. Et enfin, on finira avec The Nest, le film de Sean Durkin. Voilà, donc je ne sais pas où sont disponibles ces films. En tout cas, certains sur Apple TV+, d'autres sur Netflix, d'autres sur MyCanal. Enfin, en tout cas, ils sont disponibles d'une manière ou d'une autre, sortis un petit peu à la sauvette, à la va-vite, et nous avons décidé de mettre le spotlight sur ces 5 films dont nous allons débattre pendant l'heure qui va suivre. Pas de questions, messieurs, aujourd'hui, donc on passe tout de suite à Peninsula de Yoon Sang-ho. Chères auditrices, chers auditeurs, je dois d'abord vous prévenir que pour cette émission, donc au programme chargé de 5 films, j'ai réussi à prendre des notes de préparation pour certains des films, mais pas tous. Sauras-tu deviner lesquels ? En tout cas, donc, nous commençons avec Peninsula, le film de Yoon Sang-ho, un réalisateur qui a fait une entrée fracassante pour les cinéphiles occidentaux en 2016 avec Last Train to Busan, qui était présenté, qui a été dévoilé à Cannes. Avant ça, il avait signé un film d'animation qui s'appelait Seoul Station, qui durait déjà 1h30. Et en fait, ces deux films, ainsi que le film dont on parle ce soir, Peninsula, se déroulent dans le même univers, un univers où la Corée du Sud est en proie à une attaque de zombies suite à une manipulation génétique. Voilà, depuis, entre Last Train to Busan et Peninsula, sa suite, il a dirigé un autre long-métrage sorti directement sur Netflix en 2019 qui s'appelle Psychokinesis. Yoon Sang-ho, c'est un réalisateur qui a commencé dans l'animation indépendante sud-coréenne. Il écrit et il réalise ses films. Peninsula a été un énorme carton en Corée, un carton qu'il a coécrit avec Ryu Jong-jae. Et le film est interprété par Dong Won-gang, qui joue donc dans ce film le rôle de Jung-sok. Jung-sok est en fait un type, un militaire, qui s'évade de Corée du Sud alors que la Corée du Sud est en proie à une attaque de zombies. Il parvient à s'évader avec sa famille, mais dans le bateau qui l'amène à Hong Kong, il y a en fait un cluster, un mot particulièrement à la mode ces temps-ci, il y a un cluster quand même de zombies qui va décimer sa sœur et son jeune filleul ou son jeune neveu, mais seuls lui et son beau-frère survivront. 4 ans plus tard, donc, il habite comme un parasite à Hong Kong et son beau-frère trouve l'opportunité de rendre un service à des espèces de gangsters locaux en retournant sur la péninsule chercher un camion plein de fric. Donc leur mission, c'est de former un commando, aller en Corée, malgré le fait qu'il y ait des zombies, de récupérer ce camion et de revenir à Hong Kong avec celui-là. Et pour cela, ils vont toucher 12,5 millions de dollars. Voilà, donc ça c'est le prétexte pour retourner en Corée et avoir un gros film de zombies des familles. Voilà, donc qu'as-tu pensé de ce film, Manuel ? Ce que j'ai pensé de ce film, je pense qu'il y a, deux manières un petit peu d'appréhender le Peninsula en tant que tel. Une qui serait à l'aune de tous les défauts qu'on peut trouver dans le film. L'une aussi à l'aune de certaines de ses qualités. C'est clairement un film qui est décevant par rapport à ce qu'avait été Dernier Train pour Busan. Et peut-être que l'avis que j'ai, il est un peu teinté de ce qu'a été l'année cinéma après la déception qu'a été Tenet ou le foirage dans les grandes largeurs de Wonder Woman 2 dont nous avait déjà parlé Lucien. Mais bon, moi, ça reste un film qui, malgré tous les défauts qu'il a, beaucoup de défauts à mon sens d'écriture par rapport à Dernier Train pour Busan, qui était un film qui arrivait à faire exister constamment tous ces personnages secondaires et arriver à les lier à la problématique du personnage principal. Là, il y a vraiment de grosses lacunes autour de ça. Il n'y a pas vraiment de personnage secondaire mémorable, ce qui fait que de facto aussi le personnage principal et son enjeu dramatique est assez peu traité. Mais ça reste que c'est un film qui, en termes de spectaculaire, souvent me propose des petites idées que je vois assez peu et qui me plaisent. Il y a notamment un moment avec une gamine de 14-15 ans qui conduit une bagnole et qui écrase des zombies et qui navigue dans la ville en sauvant le personnage principal. Il y a ce genre de petit plaisir et la manière d'explorer ce monde-là est assez plaisant parce que effectivement le gros défaut c'est qu'il ne renouvelle pas le succès et la réussite de Dernier Train pour Busan, mais aussi l'avantage c'est que c'est pas un film qui cherche à faire de l'œil ou faire du fanservice autour de Dernier Train pour Busan. Il n'y a aucune référence, il n'y a aucun personnage qui est lié à ce film-là. Il joue clairement, il y a une volonté d'explorer, de détendre l'univers. Ça fonctionne sur des petits détails, mais c'est vrai qu'au niveau de l'arc narratif du personnage principal, ça pêche vachement parce qu'en fait, le dilemme de ce personnage que tu as exposé au départ, qui est d'avoir perdu sa sœur et son filleul, et surtout d'avoir laissé sur le bord du chemin des gens qu'il aurait pu sauver, donc tout ce qu'il a, entre guillemets, ce à quoi il a renoncé en termes d'humanité, et évacué quasiment au milieu du film en une ligne de dialogue. Parce qu'il va retrouver la personne qu'il a abandonnée sur le bord de la route, littéralement. Et quand il va pour lui avouer, c'est traité en une ligne de dialogue et c'est OK, on passe et next. Et c'est une des problématiques du film, ce qui est au niveau de son scénario et la manière dont il travaille ses personnages est assez décevant. Après, pour moi, c'est un film qui fonctionne sur des petits détails qui met en place dans son univers, la manière malgré tout en termes de pantomime qu'on retrouve par rapport à Dernier Train pour Busan et Seoul Station, la manière dont il fait évoluer ses zombies, moi je trouve toujours ça assez plaisant. Je sais qu'en termes de spectaculaire, les courses-poursuites du film en voiture ont été beaucoup critiquées pour un abus assez massif de CGI, assez peu de tournage en dur. Après, je trouve que malgré tout, il arrive toujours à les rendre plus ou moins dynamiques. C'est peut-être les traces de son passif dans l'animation. Il y a toujours quand même une dynamique au sein de ses plans qui fonctionne. Donc voilà, pour parler des défauts, je vais peut-être laisser la parole à Lucien là, qui se morfond devant son micro. Écoute, pas du tout, Manu. Pas du tout. Je suis assez parfaitement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et je serais peut-être même un tout petit peu moins mesuré, dans le sens où je trouve que ces petits détails dont tu parles en fait ne sont pas si petits que ça, les qualités que tu trouves dans des petits détails du film. Alors oui, c'est sûr que le film a un gros problème de structure, qu'il est plus lyrique et surtout moins noir et cynique que ne l'était le Dernier Train pour Busan. Moins tenu narrativement, comme tu viens de le dire, et en effet, les persos sont un peu lourdingues, aux intentions uniquement évoquées par l'action elle-même, ce qui est en général plutôt une qualité, mais ici, souvent un peu. C'est lourd et parfois même un peu. Ça en fait même parfois des personnages un peu bas du front. C'était un écueil qu'il avait évité dans Dernier Train pour Busan, où tous les personnages secondaires, même s'ils étaient vraiment en ligne claire, il n'y avait pas une finesse psychologique incroyable, mais ils avaient toujours leur petit arc narratif qui les faisait fonctionner et qui résonnait vis-à-vis de la problématique du personnage principal, ce qu'il n'y a pas vraiment là-dedans. Les deux personnages qui l'accompagnent dans cette mission en Corée, tu les oublies à une vitesse grand V, quoi. Bah, oui, tout à fait. Par contre, d'un pur point de vue de l'imagerie utilisée et de la manière brute et viscérale dont elle est utilisée, je trouve que le film est presque aussi réussi que Dernier Train pour Busan. Tout ça, en fait, ça en fait à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut, comme tu le disais plus tôt aussi. Il me semble qu'il y a pas mal de choses à dire sur le film. Tu l'as dit aussi brièvement plus tôt. Je trouve d'abord que visuellement, le film est assez réussi. Moi, les CGI ne m'ont jamais posé problème. Je trouve que le film assure le spectacle et pose un regard post-apo, mais ancré dans l'horreur de l'époque, sur vraiment d'un pur point de vue visuel, sur la marée humaine, sur la nuée humaine qui moi, m'a plus évoqué une référence à la crise migratoire que sanitaire, parce que, comme le disait en préambule Olivier, il y a en effet moyen de tirer des comparaisons très directes. Et d'un pur point de vue visuel à nouveau, la gestion de tout ça enterre tous les World War Z, etc., vus récemment, quoi. Pour moi, il est difficile de parler du film sans parler de ses influences. Il y a une énorme influence de Carpenter dans sa gestion du post-apocalyptique citadin, je vais dire. Mais aussi de Fury Road et même du troisième Mad Max de George Miller dans l'énergie absolue cinétique souvent empruntée au cartoon et particulièrement dans les scènes de course-poursuite qui, moi, toute proportion gardée, m'ont plus fait penser à Miller à Fury Road qu'à Fast and Furious, toute proportion gardée. Mais aussi, moi, j'ai pas mal pensé à Romero, on en parlait en off et surtout à Land of the Dead. On parlait en off des idées qu'il lui aurait plus ou moins empruntées ou piquées, mais qui étaient aussi déjà dans Dernier Train pour Busan. L'idée des feux d'artifice, des lumières et des sons, à la différence que chez Romero, les zombies, allégorie assez directe du peuple ouvrier, finissaient par s'en émanciper. Là où chez ce cinéaste dont je ne vais pas me risquer à prononcer le nom, il y a une utilisation bien plus lyrique de ça et la lumière représente vraiment tout le long du film une arme vraiment systématique contre les ténèbres. Moi, j'ai trouvé ça très beau tout le long. Ça et le final, en fait, en font le final qu'on va pas dévoiler ici, en font un film beaucoup plus optimiste que Dernier Train pour Busan et que d'autres films que j'ai pu voir de ce réalisateur là. Je trouve que même dans la scène finale, à nouveau, on peut penser à John Woo dans son lyrisme exacerbé, dans sa dilatation du temps, qui est vraiment totalement assumé. En bon cinéaste coréen, on pourrait dire aussi qu'il y a pas mal de ruptures de ton. Ici, il y en a une qui est très marquante dès l'arrivée des enfants dans le récit. Tout ça, je trouve que ça fonctionne assez bien. Le film emprunte aussi beaucoup aux films de guerre. C'est presque littéralement, au code du film de guerre, c'est presque littéralement un commando qui doit infiltrer un territoire occupé pour tenter une extraction, quoi. Ce sont des idées qui fonctionnent à plein pot pour moi et qui sont assez assez fonctionnelles. Puis ce dont on n'a peut-être pas assez parlé, c'est du fait que le film s'inscrit dans le même univers que Last Train to Busan, mais s'en émancipe assez. Il reste dans le même univers, mais il part d'un postulat narratif tout autre. Je trouve ça aussi. Je trouve que ce qu'il arrive à en faire, sans faire du fan service, comme tu le disais très bien, ça fonctionne vachement bien. Et quitte à réinventer un récit, autant réinventer l'ensemble, y compris la réalité. Je trouve qu'il fait ça assez bien. De la même manière, dans cette idée, je trouve que le fait de de créer, enfin d'imaginer des terres promises en Corée du Nord et à Hong Kong, ça en dit peut-être long sur le pessimisme habituel du réalisateur envers son époque, qui me semble commenté quand même comme c'était déjà le cas dans le précédent film dont on parle depuis tout à l'heure. Mais ce qui est dommage, c'est peut-être que sur cet aspect-là, qui est compris beaucoup dans la première partie du film, tu sens que c'est une piste narrative qu'il évoque, mais qu'il ne creuse pas vraiment au sein du reste du film. C'est cette partie d'expatriés, entre guillemets, leur position qu'ils ont à Hong Kong est assez effleurée. Elle est quand même l'objet d'une ou deux scènes et elle n'a pas trop de développement au sein du récit, alors que je pense que c'était un axe narratif assez intéressant. Je suis absolument d'accord. Et je trouve même que le passage, le moment où il est engagé, on va dire, est un peu brumeux. C'est-à-dire que moi j'ai plutôt compris ce qui se passait quelques scènes plus tard dans le film, quoi. Et puis voilà, je pourrais encore ajouter deux, trois trucs avant de passer la parole à Oli, sur le regard qu'il porte, je trouve, sur la sauvagerie qui guette en chacun de ses personnages, en tout le monde en soi, dans ce genre de situation d'urgence. Et à nouveau, ça a résonné en moi comme un commentaire de l'époque. Je pense même que c'est plus malin qu'il n'y paraît, d'autant que le résultat, et je vais me répéter, mais je trouve assez viscéral et assez brutal et que ça fonctionne assez bien. En fait, c'est simplement, même s'il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route, c'est pour moi simplement quand même une pure volonté de cinéma qui met en avant l'importance de l'action. C'est un film généreux, hein. Oui, c'est ça, qui met en avant l'importance de l'action et de comment des situations filmées intelligemment en disent au final bien plus long sur la mécanique humaine et sociétale que bien des longs discours. Allez, sur ces grandes pensées, on va passer la parole à Olivier qui est beaucoup plus terre à terre, dans sa position de moine bouddhiste, un peu inquiétante. Voilà. Ouais. Écoutez, moi, je suis un peu un cancre parce que j'ai pas vu le Last Train to Busan. Mais comme les films sont complètement indépendants, ça m'a pas posé de problème. Mais donc, du coup, je suis dans la position du mec qui prend quasiment tout ce qu'il y a de bon en fait, à prendre dans le film. C'est-à-dire que moi, j'avais pas spécialement d'attente et je comprends pas un peu la bad hype qui entoure la sortie du film. Enfin, sortie entre guillemets, bien sûr. Je suis d'accord avec énormément de choses que vous avez dites. Je trouve les enjeux très bien posés. C'est dommage, cette piste, en effet, qu'il ne poursuit absolument pas. Pour moi, le discours politique du film ou allégorique politique du film est complètement évacué après un quart d'heure. Pour se concentrer sur un film d'action, et why not, hein, moi ça me pose absolument aucun problème. Je trouve que il y a régulièrement, enfin l'action est très satisfaisante dans le film. Je trouve ce concept de lumière et de son et de zombies qui sont attirés par la lumière et le son extrêmement bien intelligemment utilisé dans le film. Je trouve que l'action est découpée de manière hyper lisible, donc c'est vraiment jouissif, c'est vraiment immersif. Après, il y a des super idées scénographiques, je trouve, bêtement. La vitre, l'immense vitre qu'on voit au début, ouais, remplie de zombies, ouais, ouais, avec le payoff enfin, ça marche super bien. L'arène avec les escalators qui rappellent bien sûr les escalators du Dawn of the Dead de Romero. Il y a la manière dont le personnage féminin et notre héros vont s'introduire à l'intérieur du camp. Je trouve que c'est très chouette. Enfin, il y a plein d'idées scénographiques qui payent. Après, comme le disait Manu, je trouve que c'est un film qui s'éparpille beaucoup trop sur trop de personnages, surtout trop de personnages de méchants, je trouve. Enfin, je veux dire, on perd du temps et de l'énergie et de l'intérêt à s'intéresser à deux méchants différents, alors qu'ils auraient très bien pu faire un seul. Enfin bon, bref, il y a des trucs dans l'écriture qui me semblent... Mais paradoxalement, il y avait autant de personnages, j'ai envie de dire, dans Dernier Train pour Busan, et il arrivait à tous les faire exister. C'est là où tu vois peut-être peut-être son ambition s'est déplacée dans une dimension beaucoup plus spectaculaire, d'avoir une plus grande ampleur, une vista, et peut-être qu'il a délaissé cet aspect-là, mais au final, c'est un peu dommage parce que c'était ça quand même qui te faisait à ce point coller au basque du personnage principal dans Dernier Train pour Busan, où là, le personnage manque quand même énormément de charisme et pas vraiment traité. Son enjeu dramatique n'est pas traité du début à la fin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il y a quelque chose, ce réalisateur, il vient de l'animation, je trouve qu'il y a quelque chose dans la physicalité des acteurs, quelque chose dans leur manière de bouger. Enfin, la direction d'acteur, parfois au niveau émotionnel, elle est un peu calamiteuse. Je trouve l'acteur principal, quand même assez tarte. Mais dans leur manière de bouger, je trouve le film, comme il est chorégraphié, je trouve vraiment très très intéressant, ouais, à suivre. Notamment donc cette première descente en plan séquence dans l'arène, là c'est quand même un sacré morceau, quoi. Et puis t'as pour finir sur le côté personnage du film, c'est super con parce que du coup le climax émotionnel qui est quand même vraiment traité pendant un quart d'heure, 20 minutes, non allez un bon quart d'heure, tu perds complètement parce que t'as pas du tout suivi ce personnage. Enfin, pour moi, j'ai aucune accroche avec le personnage qui, la figure du grand-père, ou les autres personnages sur lesquels on va essayer de faire jouer l'affect. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, à la fin, en effet, je vois l'étirement. Au lieu de le vivre, je le vois. Donc, c'est un peu chiant. Ouais, non, mais c'est ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette scène finale, si elle fonctionne pas, c'est pas pour un problème de pathos, parce que les Coréens, le cinéma coréen manie énormément le mélodrame et des émotions assez exacerbées. Ce qui ne fonctionne pas, c'est juste effectivement que ce personnage du grand-père est très peu traité. Et le payoff que tu as vis-à-vis de sa conversation qu'il a avec un autre personnage pendant tout le reste du film, il n'est pas du tout payant, il est très fonctionnel. Et il fonctionne. Voilà, tout à fait. Il fonctionne sur un registre d'intrigue, mais pas du tout sur un registre émotionnel, quoi. Et c'est ça le souci, parce que ça te perd dans ce grand final qui pourrait être extrêmement touchant, immersif, mais qui ne l'est pas parce que tu passes à côté des enjeux entre les personnages. Je trouve quand même qu'il y a à travers une scène de tendresse envers la jeune fille, je trouve que le personnage du grand-père arrive, justement, je trouve qu'il arrive très très simplement et succinctement à le rendre relativement attachant. Mais c'est sûr que dans la scène finale, ça marche moins bien. Mais justement, je m'étais dit, ce personnage, il tient à rien, si ce n'est à ça, et je trouve que c'est quand même pas donné à tout le monde d'arriver à créer ça autour d'un personnage. Non, et puis je suis aussi, je pense, un peu plus critique que vous deux, parce que c'est beaucoup en comparaison de la réussite éclatante d'un film comme Busan. Très bien. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un chouette moment, je me réjouis de découvrir ce réalisateur et ce qu'il a fait avant. Voilà, je vous propose, comme on a beaucoup un programme très chargé, que Julien Rombaud n'a pas vu malheureusement, mais il commencera donc sur One Night in Miami, ou non, peut-être pas, mais c'est pas grave, il s'exprimera sur One Night in Miami, dont nous allons parler dans quelques instants. Brothers and sisters, listen, listen, listen. Miami, the champ! I swear we'll never find a way to where we're going. All alone. The goal is for us to really be free. We want a world. Speak now. Where we're safe to be ourselves. Speak now. I told him. I told him. Can you hear the angels cry out? To think like we want. Speak now. Without having to answer to anybody for it. Speak now. We have to be there for each other. You brothers could move mountains without lifting a finger. Nous expérimentons ce soir à Transmission un nouveau format, le Transmission Express, et nous l'expérimentons sur le film One Night in Miami, le film de Regina King. Donc c'est un film qui est sorti sur Amazon, je crois même que c'est un film original Amazon. Regina King, c'est une actrice, elle est essentiellement connue pour sa carrière d'actrice. Elle a beaucoup joué pour John Singleton au début de sa carrière, notamment Boys in the Hood ou Poetic Justice. Et puis elle a fait beaucoup de télé, elle a joué notamment dans The Leftovers, dans The Big Bang Theory ou dans 24 heures chrono, et aussi dans la série The Watchmen, je crois. Mais c'est aussi à la télévision qu'elle s'est formée en tant que réalisatrice, en réalisant notamment des épisodes de Animal Kingdom ou encore This Is Us. Donc, ce film, One Night in Miami, a un pitch très particulier, n'est-ce pas, Julien ? Oui, oui, tout à fait, Olivier. Oui, oui. Eh bien, ça pourrait faire le début d'une mauvaise blague avec Malcolm X et Mohamed Ali sont dans une chambre, mais on va le résumer un peu plus largement en disant que nous sommes en février 1964, le jour de la consécration du jeune Cassius Clay, qui deviendra plus tard Mohamed Ali, donc. Il est champion du monde en poids lourd et il ne peut pas fêter en fait sa victoire devant tout le monde à cause de la ségrégation raciale. Il se doit de fêter sa victoire à l'écart des autres sportifs. Et donc, entouré de ses amis qui sont Malcolm X, Jim Brown ou le chanteur Sam Cooke, ils vont se retrouver dans une chambre, se réunir dans une chambre, une nuit à Miami, donc, et tenter de définir un nouveau monde à travers leur engagement à l'islam et à travers la radicalité qu'ils ont envie de donner à la religion. Là, je parle principalement pour Malcolm X. Voilà, je crois que j'en ai tout dit. Merci Julien, je vais juste préciser avant que Lucien ne se lance dans les hostilités que Malcolm X est interprété par Kingsley Benadir, Eli Gorey interprète Cassius Clay, Aldis Hodge, Jim Brown et Leslie Odom Jr., Sam Cooke. Allez Lucien, à toi. Bah ouais, c'est un peu, c'est moi qui l'avais plus ou moins proposé, enfin carrément proposé au programme parce que j'étais intrigué par son sujet et par le traitement qu'il allait avoir de celui-ci. C'est un peu le seul point sur lequel le film peut être intéressant, il me semble. C'est pour son sujet, le questionnement de la provenance du talent d'abord, mais surtout des engagements politiques et du degré d'implication d'un point de vue social et des différents degrés de radicalisation de la sacrée brochette d'idoles dont viennent de parler Julien et Olivier. Particulièrement dans le contexte ségrégationniste d'alors et de comment leur statut, leurs œuvres ou leurs images, on va dire, peuvent impacter la société et l'histoire avec un grand H a posteriori. L'ennui, c'est le bourbier de verbiage lisse et ennuyeux dans lequel le film s'empêtre dès la fin de son premier acte. Pas que le premier acte soit particulièrement haletant, mais bon, voilà. En fait, dès que le film s'attache de plus près à la pièce dont il est inspiré, puisque il est inspiré d'une pièce. Avant ça, dans son premier acte, le film me semble assez lourd dans ses intentions et dans sa manière de raccrocher ses scènes à l'histoire, à nouveau avec un grand H, et à l'histoire contemporaine, mais pas totalement désagréable à suivre. Ensuite, ça devient relativement intéressant dans son propos, mais je trouve surtout que c'est sacrément studieux et ennuyeux. La mise en scène est souvent inexistante, et lorsqu'elle ne l'est pas, elle me semble lourdingue. Reste que les acteurs, c'est un film d'acteurs, comme on l'a dit, derrière comme devant la caméra, et ça se sent. Ouais, les acteurs sont plutôt bons dans leur mimétisme, on va dire, et qu'il y a deux, trois idées de montage qui peuvent sortir de la torpeur dans laquelle le reste avait pu nous mettre. Maintenant, c'est pas la joie, et on prendra soin de ne pas le comparer à Ali, ou ne serait-ce qu'à son ouverture, qui va bien plus loin, il me semble, en 10-12 minutes, que One Night in Miami en plus de 2 heures. Voilà, 2 heures bavardes en plus. Et tandis que nous atteignons le point Michael Mann, je passe la parole à Julien Rambaud. Oui, oui, alors je vais rejoindre mon camarade Lucien. Effectivement, en dehors de son premier acte et de ses scènes de boxe qui sont filmées de manière assez molle et sans réel point de vue... Mais effectivement, on est dans quelque chose d'extrêmement verbal, comme Lucien l'a dit. Et les seules actions auxquelles on a droit sont des petites choses anecdotiques. Et cependant, c'est pour ça que je prenais la parole, en dehors de ce que Lucien a dit qui est juste, c'est que je trouve que le dernier tiers du film arrive à atteindre autre chose, notamment parce que toutes les petites graines qui sont plantées de façon assez lourde et assez didactique avant ça... émerge un peu, et notamment, je trouve, par rapport au trajet du personnage de Sam Cooke, qui est pas mal tensé par Malcolm X, pour son peu d'engagement, pour sa radicalisation ou sa radicalité un peu molle. Et je trouve que voilà, les scènes qui fonctionnent sont le concert à Boston, qui est rejoué, ce qui est une scène passée de la vie de Sam Cooke, et ensuite la dernière chanson du film qu'il interprète, où enfin, justement, sans spoiler... C'est ce qu'il y a de mieux dans le film, ouais. Ouais, on atteint un peu une émotion qu'on tardait à voir venir. Et effectivement, cette dernière scène et ce dernier plan sont assez beaux. Il a fallu du temps pour que les graines plantées germent enfin. Mais je trouve qu'il y a ça à tirer de ce film qui ronronne beaucoup et que je crois qu'il faudrait le consacrer, le faire voir plutôt à des lycéens ou des secondaires de 14-15 ans. C'est le seul intérêt, j'ai l'impression, qu'on peut en tirer. Après, autant montrer du cinéma... Enfin, du cinéma. Autant montrer... enfin, voilà, on s'est compris. Autant leur montrer Ali, quoi. Manu. Moi, paradoxalement, hein, je vais être un peu le ni de droite ni de gauche de l'émission. Hein. Je vous trouve quand même assez dur sur le film qui ne mérite pas, à mon avis, de se faire tancer autant. Effectivement, le film a été un peu porté au nu par la presse et quand même est très limité dans l'ampleur qu'il prend. Effectivement, la comparaison avec le film de Michael Mann est plus qu'écrasante, est plus qu'embarrassante, et je pense que c'est quelque chose en plus qui joue beaucoup contre le film, principalement dans son premier tiers, qui tient d'une reconstitution d'époque pas très inspirée. Je trouve la direction artistique à ce niveau-là, ouais, pêche sacrément. On sent qu'il y a un côté assez cheap, toute la manière dont les scènes sont filmées, ces scènes d'extérieur ou de semi-extérieur, elles sont filmées sans profondeur de champ. Il y a vraiment un aspect très télé et de petite ampleur qui freine beaucoup le film. Après, je dirais pas que c'est une mise en scène, comme tu le dis, Lucien, une mise en scène inexistante. C'est une mise en scène classique, mais pas pour autant académique. Je trouve qu'une fois qu'on se retrouve dans le décor principal de la chambre d'hôtel, la manière au final dont sont cadrés les échanges entre les personnages est extrêmement classique, tient beaucoup dans des échanges de regards ou des non-échanges de regards entre les personnages et de la manière de cadrer ça, qui est effectivement, tu pourrais ça trouver ça très scolaire. Tu conseilles de le faire visionner à des étudiants. Moi, je conseillerais plutôt de le faire visionner à beaucoup de réalisateurs français actuels, mais parce que pour le coup, il y a quand même la valeur de ce qu'est un raccord regard et comment tu peux construire des antagonismes entre les personnages juste sur ça. Par exemple, moi, je trouve la discussion entre Jim Brown et Malcolm X à un moment du film à table et la manière dont justement il joue sur l'axe regard entre les personnages extrêmement juste. Donc voilà, effectivement, c'est un film dont on sent son héritage théâtral et que c'est un film effectivement qui tient en lui ses propres limites, qui est conduit dans ses propres limites de réalisation, qui sont effectivement extrêmement classiques. Mais c'est pas un film pour autant si désagréable que ça quand on y repense. C'est un film qui manque d'ampleur et je pense clairement qu'il aurait gagné à arriver beaucoup plus tôt dans cette chambre d'hôtel qu'avec cette demi-heure où on passe de manière très scolaire du temps à te présenter chacun des personnages dans leur environnement et avec un manque de souffle dans tout ce qui est reconstitution. Et moi, pour le coup, je trouve que les séquences musicales, dont la séquence de fin avec Sam Cooke, c'est pas parmi les moments les plus inspirés du film parce que je trouve que justement la direction artistique est un peu aux fraises, c'est très fonctionnel, c'est le seul moment où il y a un peu d'émotion, quoi. Ouais, moi je trouve qu'il y a quand même une petite émotion qui se dégage dans les échanges entre les personnages, voilà, dans la manière de cadrer deux acteurs voire quatre, etc. On n'est pas dans une économie de mise en scène où on va choper chaque personnage dans un close-up. Tu sens que la manière dont c'est filmé, il y a des choix, des moments d'être sur un personnage et pas sur l'autre, et que c'est pas une mise en scène à multicam qui capte tout et qui va recomposer derrière au montage. Ouais, c'est paradoxal. C'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il y a plus de cinéma dans la partie huis clos, on va dire. C'est le moment où il y a en effet un travail dont tu viens de parler. Maintenant, sur le fameux débat entre classicisme et académisme, moi je trouve que le film est beaucoup plus douteux là-dessus. Pas sur le débat lui-même, mais enfin, vous m'avez compris. Non, mais bon, si on peut parler d'académisme, je pense qu'il y avait un film qui va suivre, qui va beaucoup plus porter le flanc à ça. Probablement. Quoi. Mais paradoxalement, je pense que... Enfin, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a plus de cinéma dans tout ce qui touche aux scènes de huis clos. Maintenant, à aucun moment, pour moi, ce moment de mise en scène que je qualifierais plus d'académique que de classique, rattrape le côté extrêmement verbeux du propos et des dialogues, même si en effet il y a des choses derrière lesquelles il y a des idées, ça c'est sûr. Julien ? Oui, après, non, je voulais simplement dire qu'effectivement, jamais le film n'est vraiment déplaisant, ni de mauvais goût. Par contre, il y a quelque chose d'assez étrange, je trouve, notamment dans sa narration, c'est qu'il a l'air parfois de proposer quelque chose qui n'advient pas. J'ai toujours l'impression que des choses vont se passer, notamment une scène où un des personnages téléphone dans une cabine téléphonique et où on voit deux personnes le regarder de loin. Il y a une suspicion qui naît, il y a quelque chose qui est de l'ordre du trouble ou du danger qui pourrait arriver. Et j'ai l'impression que c'est pas traité, pas mis en valeur par la suite. Bon, en fait, je crois que peut-être ça se suffit à soi-même, cette scène, parce qu'on sent qu'effectivement, ils sont dans une chambre et qu'autour d'eux, le feu peut s'embraser assez vite. Mais effectivement, j'ai plusieurs fois le sentiment de me dire, tiens, quelque chose arrive, non, finalement. Je pense que le plus gros angle mort du film, c'est que autant il arrive à traiter de la conflictualité du rapport entre Sam Cooke et Malcolm X, autant il fait vraiment une impasse sur ce qui est conflictuel entre justement Malcolm X et Mohamed Ali. Et je trouve que la manière dont il rattrape un peu la trahison de Mohamed Ali vis-à-vis de Malcolm X en toute fin de métrage est très éludée et une manière un petit peu de noyer le poisson sur ce qui se trouve à la fin du film. Et puis pour le coup, encore pour revenir à Michael Mann, qui était une scène magnifique, quasiment muette dans le Mann, où justement la déconnexion entre le parcours de ces deux personnages était bien mieux traitée, quoi. Et là, c'est vraiment pour moi un angle mort du récit qui fait qu'il y a un aspect un petit peu, quelquefois un peu hagiographique à ce niveau-là de ces personnages-là et nous refuser d'aller traiter vraiment les coups bas qu'ils auront pu se donner réellement, quoi. Parce que le fait que Mohamed Ali reste au sein de la Nation d'Islam et n'accompagne pas le chemin de Malcolm X a quand même un gros impact politique, entre guillemets, sur ce qui va être la suite du combat de Malcolm X. Et tout à fait. Donc voilà, c'est un film qui à la fois peut parler du militantisme noir et tout, sur toutes ses formes et la manière dont on peut s'inscrire dans la société, mais qui, pour un des plus gros enjeux, ne le traite pas. Je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est particulier avec cette scène-là, c'est alors que je trouve le film assez évident dans ses intentions tout le temps, et c'est là-dessus que je disais que la mise en scène, lorsqu'elle n'était pas un peu effacée, elle était un peu lourde, un peu forcée. Le film a plutôt cette tendance-là, et je trouve justement que cette scène-là qui est clé, de par le fait qu'elle est assez mal amenée, pour toutes les raisons dont tu viens de parler, Manu, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et elle est même pas très intelligible au final. On se demande un peu ce qu'elle vient foutre là. Enfin, oui, ok. C'est même très probable que en fait, la manière dont il l'élu dans un sorte de dernier regard sur l'Assemblée où Malcolm X n'est pas présent au sein de l'Assemblée dans cette conclusion, si tu n'as pas de clé historique, tu passes complètement à l'as. C'est quand même un des soucis. Ok, ça reste des personnages majeurs du XXe siècle, mais quand même, c'est quand même un souci. Et pour moi, c'est une manière un petit peu de mettre les choses sur le tapis et de rester un petit peu consensuel sur cet aspect-là. Ouais. Très bien, merci pour cette belle conclusion, Manu. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne maintenant avec The Witches, le film de Robert Zemeckis. My story begins when I was a young boy. You'll be comfy here. Your mama's all wrong. I'd do anything for her to be here right now. Grandma was a tough lady with a big heart. And little by little, she brought me out of my sadness. Now if you feel that you can't go on, darling, I didn't know it. But there was a dark shadow looming nearby. Witches. They're real. And they hate children. Welcome. What would you do if there were mice learning all around this hotel? have to call the exterminator. You see, girls? He would exterminate those brats! Rats. We would exterminate the rats. Alors, faut-il encore présenter ce bon vieux Robert Zemeckis, qui fut bien sûr l'un de nos héros, nous enfants nés dans les années 80. Il a signé certains des films qui ont bercé notre enfance, Retour vers le futur en 85, Forrest Gump en 94, Roger Rabbit en 88, Contact en 97, mais aussi Flight en 2012. Il a fait, voilà, très très longue carrière que celle de Robert Zemeckis, qui s'est concentré pendant toute une partie de sa carrière, on va dire même depuis une grosse partie des années 2000, sur des défis techniques, en développant notamment tout ce qui était performance capture avec une série de films Polar Express, Beowulf et Le drôle de Noël de Scrooge. Voilà, donc cette fois-ci, il adapte un roman bien aimé, Sacrée Sorcière, de Roald Dahl. C'est la deuxième adaptation, après celle de Nicolas Roeg en 1990 avec Angelica Houston. Cette fois-ci, Bob Zemeckis est au scénario, mais avec aussi Kenya Barris et aussi un certain Guillermo del Toro, que l'on retrouve également en tant que producteur et avec son pote Alfonso Cuarón. Ici, le film est interprété par Anne Hathaway, Octavia Spencer et Stanley Tucci, mais aussi Jazir Bruno, qui joue le rôle principal d'un petit orphelin qui se retrouve à habiter chez sa grand-mère. Et sa grand-mère, qui est une sorte de rebouteuse, un petit peu, qui a certaines petites astuces, un petit peu, qui connaît les pouvoirs des plantes et des herbes, n'est-ce pas ? Parce qu'elle sait très bien qu'on vit dans un monde qui est infesté de sorcières. Et d'ailleurs, alors qu'il veut se mettre à l'abri, eh bien, elle se retrouve avec son jeune petit-fils dans un hôtel infesté de sorcières pour le congrès annuel des sorcières mené par la grande sorcière elle-même, interprétée par Anne Hathaway. On peut dire tout de suite que c'est une adaptation donc, de Sacrée Sorcière qui est transposée sur fond de sud des États-Unis avec le spectre de l'exploitation des Afro-Américains en background. Voilà, eh bien... Je vais commencer sur le film en disant que... bon, déjà, je trouve que c'est un film qui est agréable, qui est surtout extrêmement bien raconté. Donc, avec un point de vue, avec une utilisation des moyens cinématographiques qui est adéquate pour exprimer le sentiment voulu au moment voulu. Par exemple, pour être plus précis, eh ben, au moment du scénario, les héros se trouvent transportés à l'état à la taille de souris et Robert Zemeckis va utiliser des plans amples dans les couloirs de l'hôtel au grand angulaire pour justement donner cette impression de gigantisme, contrairement à un autre réalisateur des films de ce soir. Donc voilà, je dirais que c'est l'utilisation juste et ad hoc pour bien raconter son histoire et selon le point de vue de son petit protagoniste. Après, le problème principal, je dirais, du film... Enfin, non, je vais pointer peut-être deux problèmes. C'est que déjà, je trouve que les acteurs sont un peu en roue libre. Octavia Spencer, elle est sympa, mais elle déborde un peu. Anne Hathaway, elle déborde beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'elle en fait vraiment des caisses. Les effets spéciaux sur elle, je trouve, sont pas toujours très réussis. C'est un peu... Parfois une débauche d'effets qui déploie quand même une certaine laideur visuelle, il faut dire. Enfin, je trouve personnellement, après ça, c'est peut-être que... Ouais, moi je trouve que t'es un peu dur sur Anne Hathaway parce que c'est quand même quelqu'un qui est pas du tout over the top. Hein. Je te comprends vraiment pas sur ça. Après voilà, Angelica Houston, oui, non, Angelica Houston, c'est une actrice un petit peu plus subtile. Elle. Ce qui est fascinant dans ce film-ci, encore une fois, et depuis quelques films de Zemeckis, c'est on sent très clairement que c'est un mec qui est maintenant obnubilé, complètement aveuglé, peut-être même par les défis techniques, et depuis quelques films par les jeux d'échelle. Donc c'était déjà le cas dans Bienvenue à Marwen, que j'ai vu assez récemment. Et là, du coup, on sent vraiment qu'une fois que les personnages sont réduits à l'état de souris, c'est ça qui l'éclate. Il va faire des plans hyper impressionnants, hyper fluides, qui vont vraiment retranscrire ce gigantisme. Et il va vraiment s'amuser avec les jeux d'échelle de manière hyper virtuose. Donc ça, c'est super jouissif à regarder. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à chier, c'est vraiment... très très spectaculaire par contre il est aussi traversé par toujours le même thème depuis quelques films de manière assez Enfin, c'est assez même inquiétant, on va dire. Je trouve que c'est la quête de soi et aussi la quête de la beauté dans une espèce d'acte artistique ultime comme ça. Enfin, je trouve que son film le plus représentatif de ça, c'est sans doute The Walk, là, dans ces dernières années. C'était un film qui partait un petit peu très mal et qui finissait sur un moment juste d'anthologie de 30 minutes qui était de pure beauté. Voilà. Donc, je trouve que le film est tout à fait accessoire, mais très agréable à regarder. Après, voilà, ça reste un Zemeckis mineur pour moi. Je vais juste prendre la parole deux secondes parce que pour la passer tout de suite, juste pour dire qu'en fait, je suis mais vraiment absolument parfaitement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Olivier. C'est-à-dire que je trouve que c'est un conte très fonctionnel, très bien raconté, avec on reconnaît les obsessions à tout niveau de Zemeckis dernièrement. Je trouve que certains effets spéciaux sont pas toujours, comme l'a dit Oli, pas toujours heureux. Voilà, c'est un film très sympa, mais désolé, vraiment, rien de plus à ajouter. Moi, je vais ajouter un petit peu plus parce que je faisais un peu d'ironie sur le personnage d'Anna Tawai, mais je pense que c'est un des soucis en fait du film, c'est la volonté quand même d'aller dans un côté très cartoon et de ne pas embrasser la dimension quand même un petit peu inquiétante du personnage. Je trouve pour le coup, même si je suis pas un très grand fan du film de Nicolas Roeg qui a été fait précédemment et qui en plus le film de Zemeckis est quasiment plus un remake du film de Nicolas Roeg que réellement une réadaptation parce qu'il y a vraiment des éléments, des moments qui ne sont pas dans le livre et qui sont vraiment repris du film de Nicolas Roeg. Mais cette volonté de ne pas aller trop loin dans l'aspect effrayant de cette sorcière-là fait qu'à un moment il loupe un peu le coche de ce qui pourrait ramener un élément un peu plus de terreur enfantine et que j'admire toute la maestria technique et pas que technique, je veux dire la maestria principalement narrative de Zemeckis parce que c'est un film d'une fluidité absolument démente. Je veux dire c'est vraiment une sorte de régal pour les yeux constamment et d'invention de mise en scène dès le premier plan, ébouriffant tout du long la manière de dont il fait fonctionner notamment une mise en scène justement assez peu découpée in fine avec beaucoup de plans séquences qui vraiment épouse le point de vue des personnages comme le disait Olivier. Moi je trouve qu'il y a aussi des inventions formelles, c'est pas la première fois qu'il le fait, mais il y a une manière aussi de au travers de la technologie et de toute cette nouvelle manière d'appréhender le cinéma qu'il a mis en place avec le cinéma virtuel, il y a une manière de renouveler des motifs qu'on pouvait avoir dans le cinéma classique hollywoodien, notamment ces surimpressions qu'on retrouvait beaucoup dans le cinéma classique hollywoodien, extrêmement belle et qui a une figure de style assez délaissée dans le cinéma actuel et qui, à mon sens, retranspose très bien. Notamment, il y a un plan d'Octavia Spencer qui raconte sa première rencontre avec une des sorcières et la manière dont il fait un moment transiter le passé et le présent au travers d'une surimpression numérique est extrêmement belle derrière un fil barbelé. Je trouve qu'il y a une manière de réinventer certains éléments de langage cinématographique qui est très belle. Après, voilà, c'est vrai que le jeu d'Anna Tawai joue beaucoup contre le film. Mais voilà, cette volonté d'aller directement dans le cartoon plus que l'horreur fait qu'au final, c'est un film, je trouve, beaucoup plus mieux raconté que le film de Nicolas Roeg. Je pense que tout simplement, en fait, ce que j'ai à dire, c'est que je ne suis pas forcément le public cible pour ce film-là. Voilà, alors, je vais rajouter un tout petit truc par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai que moi, j'ai découvert ou redécouvert, pour être franc, je ne sais plus exactement, le film de Nicolas Roeg vraiment dans la foulée, c'est-à-dire que j'ai enchaîné les deux films. Chose à ne pas faire parce que comme le disait Manu, les films sont vraiment narrativement très très proches, voire quasi identiques. Maintenant je trouve en effet que le film de Zemeckis est beaucoup plus fluide et simplement voilà, en termes de narration limite parfait. Maintenant je trouve que comme je le disais plus tôt, certains effets spéciaux sont un peu fâcheux chez Zemeckis. Je pense entre autres à une poule en début de métrage ou ce genre de choses, et en effet qui relèvent vraiment du cartoon mais qui sont qui accroche un peu l'œil, d'autant qu'il y a des choses au niveau simplement des souris. Je ne sais pas si ça fonctionne mieux, mais en tout cas, c'est plus charmant chez Nicolas Roeg que chez Zemeckis. Voilà. Moi, une dernière chose que je voulais rajouter, c'est par rapport justement à l'utilisation, la narration avec les effets spéciaux numériques, etc. Autant, on l'a déjà pointé, il y a des choses qui fonctionnent pas ou qui sont un peu de mauvais goût, qui vont dans une direction sans doute trop cartoon. J'avais pas vu ça comme ça, mais en tout cas, c'était une direction qui me laissait un peu sur le carreau. Mais en contrepartie, il y a des fois où c'est vraiment inspiré, où c'est vraiment beau. Donc, tu as parlé de la transition avec le passé qu'il y a dans la première partie du film, mais il y a aussi ce moment superbe où Octavia Spencer raconte, je crois que c'est comment est-ce qu'on, à quoi on reconnaît les sorcières, à son petit-fils, et il y a une vitre dans le plafond, et les nuages prennent la forme de, on épouse l'imaginaire du gamin, et les nuages prennent la forme de ce qu'il imagine, et là c'est une utilisation qu'on n'a pas vu souvent et qui est parfaitement, je trouve, bien dosé en plus, parce que ça, on reste dans quelque chose qui est assez peu figuratif, on reste dans l'évocation, et c'est là par exemple, c'est très très bien joué, quoi. Ah non, mais c'est un film qui est une leçon de mise en scène constamment, hein. C'est un film qui est passionnant formellement dans la manière de raconter son histoire. Après, c'est juste dans, je pense, c'est plus le ton, moi, que j'interroge, qui m'a assez peu impliqué dans le film, malgré tout le brio de sa mise en scène. C'est plus un questionnement sur le ton du film que réellement sur sa narration en tant que telle. Hein. Très bien, messieurs. Eh bien, je vous propose que nous enchaînions tout de suite avec l'avant-dernier film de ce programme, qui est La Mission de Paul Greengrass, ou News of the World. Returning her to her surviving family. She doesn't have any English. Captain, why are you doing this? After 4 years of war, all the killing and all the blood, I guess we both have demons to face. Those robes have changed since you rode. I do not have a clue as to the care of a child. That is coffee. Yeah, coffee packs a punch, doesn't it? Avant-dernier film dont nous parlons ce soir, et encore une fois, Julien Rombaud ne l'a pas vu, mais il est toujours avec nous, il reviendra en fin d'émission pour The Nest, et aussi il a la lourde tâche que si jamais on est trop obscur, il doit nous rappeler à l'ordre, mais apparemment on était assez clair sur les deux films précédents, donc voilà. Celui-là de film, ça s'appelle La Mission, ou alors c'est News of the World en VO, ce qui est quand même sacrément un meilleur titre. C'est le nouveau film du réalisateur britannique exilé aux USA, Paul Greengrass, un auteur-réalisateur très à la mode dans les années zéro, avec bien évidemment La Mort dans la Peau en 2004, suivi de La Vengeance dans la Peau en 2007, et légèrement en perte de vitesse depuis lors, avec des films qui ont moins marché, comme un quatrième Jason Bourne en 2016, donc j'avais complètement oublié l'existence, ou encore 22 juillet sur les événements d'Utoya. Ce film 22 juillet qui était sorti directement sur Netflix dans l'indifférence générale en 2018. La Mission célèbre les retrouvailles de Paul Greengrass avec Tom Hanks, qu'il avait déjà dirigé dans Captain Phillips, une histoire de hijack par des pirates somaliens en 2013. Alors, adaptation d'un roman de Paulette Giles, La Mission se déroule vers 1870 aux États-Unis, où le vétéran de la guerre de sécession Captain Kyle Kidd sillonne le pays de ville en ville pour y organiser des sortes de revues de lecture des nouvelles du pays. En traversant le Texas, il rencontre Johanna, une fille d'émigrés allemands qui fut enlevée des années plus tôt par les Indiens Kiowa. Et comme le Captain Kidd, c'est Tom Hanks, ben c'est un chic type, et donc il va décider de ramener Johanna auprès de sa famille, affrontant moult péripéties sur leur trajet. Le film est adapté par Luke Davies et Paul Greengrass lui-même. La jeune Johanna est interprétée par Elena Zengel. La photographie est signée du Polonais Dariusz Wolski, qui a beaucoup travaillé ces derniers temps avec Ridley Scott, mais aussi sur Sicario 2, Day of the Soldado de Stefano Sollima, un film qu'adore Manu, qui va commencer sur le film La Mission de Paul Greengrass. Eh ben c'est pas du Sollima, hein. Mais en tout cas, si on pouvait parler de de films en ligne claire auparavant. On est vraiment dans un film qui fonctionne comme une ligne droite. C'est un film absolument attendu du début à la fin. Il y a sans aspérité qui peine absolument à t'impliquer au sein de son récit, tout simplement déjà parce que ce personnage avec un lourd passé mais tellement sympathique de Tom Hanks fait que tu as beaucoup de mal à t'impliquer dans cette relation qui devrait être un minimum un tout petit peu une relation antagoniste entre cette jeune fille et lui, mais dès le début tu sais qu'il va la prendre sous son aile et il n'y a jamais vraiment de scène conflictuelle avec elle, donc ce qui fait que ce refus d'appel à l'aventure que pourrait avoir le personnage au début du film il n'existe jamais, ou en fait il n'existe qu'en théorie. Et voilà, donc Greengrass ponctue ce petit road movie de petites séquences qui sont censées un peu redynamiser le récit, mais qui sont complètement anecdotiques et qui ne font pas vraiment sens. Il y a notamment une scène où il se retrouve poursuivi par des pilleurs violeurs. Elle est bien, celle-là. On peut apprécier que Greengrass, pour le coup, depuis deux films, ait calmé un peu sa shaky caméra au profit d'un filmage, plus que réellement de mise en scène, je vais parler de filmage plus académique et plus posé, mais ça reste que c'est pas du tout inspiré. Je veux dire, en termes de topographie, cette scène-là, c'est une catastrophe, et on se retrouve avec une scène avec un personnage qui est planqué sous un rocher et l'autre qui est au-dessus, et la manière dont il conclut ça, mais c'est absolument frustrant et pas du tout impliquant. Donc voilà, il y a, même dans ces petites scènes qui sont censées redynamiser le récit au sein du rythme morne qu'il a, c'est calme plat. Donc voilà, c'est un beau petit livre d'images avec tout ce qui est attendu dans les relations entre les personnages, qui voudrait traiter un petit peu de cette Amérique post-guerre civile, et de cette volonté, notamment à travers le personnage de Tom Hanks, qui vient donner des nouvelles au sein des villes qui traversent, de ce qui se passe au sein de l'Amérique, et avec une volonté quand même un petit peu politique à des moments d'influer sur certaines mentalités, une volonté de réconciliation du peuple américain, mais vu qu'en fait on ne comprend pas jamais quelle est la problématique de ce personnage-là, et son passif, qui semble être un passif guerrier, peut-être avec une certaine amoralité, n'est jamais vraiment traduit dans le film, et ce qui fait que même la séquence de fin, qui est censée être la séquence de rédemption du personnage, en fait elle fait chou blanc, parce qu'en fait, elle reste toujours très mesurée sur ce qu'aurait pu faire le personnage, et il n'y a pas d'implication. On est quand même avec une gamine qui a vécu le double massacre de sa famille, à la fois sa famille biologique et sa famille d'adoption, et il fait vaguement une scène un petit peu éthérée aux trois quarts du film pour rappeler cet élément-là, mais c'est totalement illustratif, quoi. Bah, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Manu. C'était en contre-pied par rapport à ce film-là que je disais que The Witches était un film avec un point de vue et qui était bien raconté. Ici, c'est un film où je trouve que le point de vue est complètement éclaté. Je comprends pas du tout à qui je dois m'intéresser, qui a plus d'importance que qui, à quel moment, par rapport à quoi. Je trouve le style complètement hétérogène de ce film, dans son découpage, dans les choix de focale qu'il fait, sa manière des fois de faire des images d'Épinal avec des types qui sont à contre-jour sur le soleil couchant, ou plutôt le lever de soleil ici, mais bref, je trouvais le style du film complètement éclaté. Je trouve quand même que Greengrass, même si c'est un peu calmé, il te fait quand même des espèces de zoom avant en plein milieu de son climax émotionnel, qui est un champ contre champ sur Tom Hanks et la gamine. Donc ça me sort complètement du film, les flares, les trucs. Enfin, je vois très très souvent la caméra. Puis bon, bref, après je suis complètement d'accord sur tout ce que tu as dit, et je voulais juste insister sur un truc, c'est que quand même, le film au début, il te montre un personnage qui va de ville en ville pour lire les nouvelles. C'est quand même un beau personnage, une belle idée. Ok, cool, je vais suivre ce personnage-là. Et en fait, il en fait mais presque rien. Et en fait, il va en faire un truc à un moment, une scène où Tom Hanks va, via sa fonction, renverser un petit peu le cours dramatique de la scène. Et en plus, bon, c'est clairement une allégorie avec l'Amérique actuelle, Fox News, Trump, fake news, machin truc. Mais le truc, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il va subitement lire des autres nouvelles et donc se mettre dans la merde. Pourquoi est-ce qu'il est tant épris de justice que ça? Pourquoi est-ce qu'il veut pas juste se barrer? Enfin, je veux dire, son action est complètement pas du tout motivée. Et la manière dont le retournement de la foule pour approuver, aller dans le sens de Tom Hanks est complètement hyper mal mis en scène. Tout ça, c'est mal orchestré. Et du coup, cette scène-là tombe complètement à plat et elle est complètement foirée. Alors que c'est la seule scène qui était potentiellement intéressante par rapport au postulat de départ. C'est la seule scène où il fait vraiment un choix pour le moins un peu inattendu et risqué. Ouais, il n'est pas motivé non plus ce choix hein, au niveau dramatique. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, Greengrass, justement, c'est sans ses effets de manche de shaky cam qui était sa marque de fabrique, et bien, tu vois à quel point c'est quand même un assez piètre compteur. Hein. C'est qu'une fois enlevé cet enrobage qui a fait beaucoup de sa renommée, on se retrouve dans une platitude de filmage assez inquiétante. Et moi, quand tu parlais justement de cet aspect où clairement il fait référence à Fox News, ce type d'Amérique-là, c'est aussi un des gros problèmes du film. C'est un film vraiment qui pue le contemporain. En mon sens, moi, je trouve que le personnage de Tom Hanks, je ne vois pas du tout un personnage qui a vécu à cette époque-là. Je vois vraiment un regard extrêmement contemporain. Et je trouve que ça me pose problème parce que ça m'empêche aussi de croire beaucoup au personnage. Je vais pas faire l'empêcheur de tourner en rond. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, c'est malgré tout ça, c'est un film de Greengrass, quoi. Dans sa manière de regarder les griefs d'un monde qui change, je veux dire, en essayant de l'incarner. Bon, ici, c'est une autre histoire. Et ici, dans ce cas-ci, à travers le prisme des États-Unis, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le cinéma, dans le cinéma de Greengrass. C'est aussi souvent un point de départ de ce qu'on a appelé pendant longtemps le western crépusculaire. Comme vous l'avez dit, Greengrass, il a l'habitude généralement de déstructurer ses récits tant dans la narration que dans la pure construction de ses plans, de ses cadres, avec la fameuse shaky cam, entre autres. Ici, il calme un peu tout ça. Ça rend le film peut-être un peu moins désagréable à suivre, mais ça lui donne un rythme paroissial, ennuyeux au possible. Et particulièrement, et c'est fâcheux, dans ces scènes d'action, Manu parlait en effet d'un duel qui est vraiment risible, où on ne comprend rien à rien, rien de ce qui se passe, quels sont les enjeux de l'action. Parfois, ils tentent des trucs qui sont vraiment compliqués à assumer. En effet, des zooms parfois quasi permanents et très lents, ou parfois moins, et totalement qui sortent de nulle part. Il y a quand même des mouvements de caméra dont on ne comprend jamais l'utilité. Il y a des plans qui semblent filmés au drone, mais c'est dégueulasse, quoi. Vraiment, on se croirait dans un film d'entreprise, quoi. Alors, pour rester dans... je trouve que vraiment, un problème dont vous n'avez pas parlé, c'est que la gamine, mais elle joue comme une bille. En plus, elle a des... Ça m'a énervé tout le film. Elle a des fausses taches de rousseur faites au stabilo en deux prises. Enfin, c'est vraiment une horreur. Après, le discours sur la liberté et plus largement la place de la presse fonctionne à certains moments et pas totalement inintéressant, tout comme celui qui questionne les liens du sang et de ce qui fait la famille, etc. Mais c'est d'une lourdeur et d'un simplisme sans fond, effrayant même. Puis ça a été tellement fait auparavant dans le western, enfin, manière tellement plus brillante. C'est ça aussi. C'est là aussi où c'est Ford, mais bon, le roi est à nu, hein, quand tu vois ça, entre guillemets, sans ses effets de manche aussi, mais il s'inscrit aussi dans un des genres où ça pardonne pas, entre guillemets, de pas être inspiré dans le western. C'est vraiment le genre cinématographique par excellence. Et effectivement, là, ben, ça pardonne pas quand ta mise en scène est absolument illustrative et n'est jamais narrative. Absolument. Et puis le film se repose beaucoup, je pense, sur son acteur, auquel il offre plusieurs scènes que Hanks cueille plutôt sans se forcer, quoi, en peinard, hein, Tom. On sent d'ailleurs la sa volonté. Moi, je l'ai toujours toute proportion gardée comparé à Jimmy Stewart. On sent une volonté chez Tom Hanks de creuser ce sillon-là. Bon, voilà, il continue en faisant son The Man Who Shot Liberty Valance, mais voilà, enfin bon, fallait le citer, mais oui, en effet, on sent la volonté de Tom Hanks d'aller dans le western pour se rapprocher des rôles de steward chez Ford ou chez Mann. Deuxième point Mann d'ailleurs, mais c'est pas le même. Mais bon, voilà, inutile de dire qu'on n'y est pas. Voilà, je trouve il est loin d'être mauvais, Tom Hanks, mais c'est enfin vraiment, on sent qu'il se foule pas, quoi. Je sais pas, moi, ce que c'est pas, c'est qu'il se foule pas, c'est que le entre guillemets, tout son background de participation à la guerre et qui est sa problématique en fait n'est jamais traité en fait. Ouais, mais en dehors de ça, il y a des scènes qui sont vraiment, t'as l'impression qu'elles sont vraiment construites pour donner à bouffer au protagoniste. Tu sens en effet qu'avec un autre metteur en scène et peut-être dans un autre contexte, un Tom Hanks qui se donne à fond, ça donne autre chose. Peut-être, mais moi je vois vraiment que c'est vraiment des griefs qui tiennent principalement sur l'écriture scénaristique pure, oui, et aussi, sur l'écriture visuelle et de mise en scène du film qui pêche sur ça, quoi. Plus que réellement sur les acteurs où je serais beaucoup moins violent que tu l'as été. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, eh bien, sur ce beau point d'accord. Voilà, c'était un film tout mignon et tout soporifique, quoi. Voilà. Ça. Certains peuvent en témoigner, paraît-il. Bah, de toute façon, maintenant, comme les films sont en VOD, tu peux allègrement t'endormir et le reprendre. Ou pas. Mais comme c'est pour transmission, je fais les choses bien. Alors, nous allons tout de suite enchaîner et terminer avec The Nest, le film de Sean Durkin. Things are dried up here for me. Oh! Yeah! There's an opportunity. Where? London. This will be our fourth move in 10 years. Turn it backwards. But money's fine, right? Yeah. Right? Yeah. This is a fresh start. How about this? You shouldn't be working for someone else. Be your own boss. Build your own place. Own your own horses. Something doesn't feel right. It's not your job to worry. You leave that to your husband. It scares me that you actually think that. So you're back here full time? Oh yes. We've just bought a beautiful farm in Surrey, and we're thinking of a pied-à-terre in Mayfair. It's just small talk. I saw some deposits you made. It's nowhere near what you're spending. Don't worry. I have a huge check coming in at the end of the month. Everything's going to be fine. Et nous terminons cette petite revue de l'actualité de la VOD, n'est-ce pas, avec The Nest, le film de Sean Durkin. Donc il s'agit du nouveau long-métrage de l'auteur, réalisateur, producteur américain qui avait signé un premier long-métrage assez remarqué en 2011 qui s'appelle Martha, Marcy, May, Marlene. Depuis, il a travaillé au Royaume-Uni, réalisant une mini-série qui s'appelle Southcliff pour Channel 4. The Nest est une coproduction entre les trois pays qui l'ont vu grandir, soit le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. En effet, né au Canada, il a d'abord grandi en Angleterre avant que ses parents ne s'installent à New York à ses 12 ans, ce qui a peut-être nourri le film dont on parle ce soir. En effet, situé dans les années 80, The Nest raconte l'histoire de Rory O'Hara, un genre de yuppie dont j'ai pas vraiment compris l'activité principale, mais bon, en gros, il vit aux États-Unis avec sa femme Allison, sa belle-fille ado Samantha et leur fils d'une dizaine d'années, Benjamin. Alors qu'il semble couler des jours paisibles, Rory décide de retourner travailler en Angleterre pour un de ses anciens mentors, certain que l'avenir mirifique et luxueux auquel il s'estime promis l'attend. À contre-cœur, l'ensemble de la famille investit donc une immense demeure de la banlieue londonienne, une demeure un peu un genre de manoir assez froid. Écrit, produit et réalisé par Sean Durkin lui-même, le film met en scène Jude Law et Carrie Coon dans les rôles principaux. La photographie est signée du Hongrois Mathias Erdély, qui a notamment signé celle des deux longs-métrages de Laszlo Nemes. Attention, la musique est de Richard Reed Parry, qui fait partie du groupe Arcade Fire, alors, étrangement. The Nest a remporté 3 prix, dont le Grand Prix au Festival de Deauville en 2020 en France. Il est sorti directement début février sur MyCanal, et en Belgique, j'en sais foutre rien. Julien Rombaud, qu'as-tu pensé de ce film ? Alors, Nous parlions tout à l'heure un petit peu de ce fameux débat entre classique et académique. Et justement ici, je trouve qu'on a affaire à un charme plutôt qui s'inscrit dans un certain classicisme. Je trouve que le film fonctionne plutôt bien, notamment grâce à une écriture que je trouve mature et en tout cas bien pensée dans sa progression dramatique et dans sa construction. Je trouve qu'avec assez peu de choses et parfois justement peu de verbes, à la différence de One Night de tout à l'heure, le réalisateur arrive par l'image à nous accrocher. Alors, je lui trouve quelques défauts à ce film, en tout cas je pense qu'il manque d'une certaine audace qui finalement... j'ai l'impression que pendant toute la bonne moitié du film, pendant le deuxième tiers du film, on n'arrive pas à décoller complètement, alors que tout est là, c'est assez étrange. Je trouve qu'il y a, je l'ai parlé, une écriture ciselée, des acteurs qui sont très bons. On a parlé de Jude Law beaucoup dans la presse, mais Carrie Coon est assez fantastique. C'était, je crois, la première fois que je la voyais, je pense. En tout cas, je l'ai trouvé très très très juste. Et je trouve qu'il y a plein de belles scènes de cinéma, des beaux morceaux de cinéma, avec la scène du restaurant notamment, avec où la femme justement n'en pouvant plus des mensonges de son mari finit par tout balancer et puis par donner son magnifique manteau de vison dans un acte assez symbolique, assez chouette à voir, et pour finir par aller danser dans une boîte. Il y a des choses assez belles. La scène de Jude Law seul dans le taxi, complètement résigné, perdu, qui lui aussi finit par laisser tomber le masque, si je puis dire comme ça. Et pourtant, malgré ses qualités, ouais, je trouve que le film peine parfois à décoller. J'ai pas trop réussi à expliquer pourquoi, si ce n'est que je trouve que parfois il a le crayon un peu lourd dans la symbolique, notamment avec le montage parallèle qu'il fait de toute l'activité de Jude Law et du parallèle qu'il fait avec le cheval que sa femme tente de dresser, notamment qui semble un animal compliqué, peu obéissant, et la difficulté qu'elle a à se faire entendre par ce cheval. Voilà, je trouve la métaphore un peu lourde et j'ai l'impression que voilà, il y a des éléments. Voilà, c'est un film qui aurait pu, je crois, être s'en tenir pratiquement plus à ce qu'il évoque en début de métrage, avec toute cette relation complètement viciée entre les deux personnages principaux et surtout l'écho que ça fait chez les enfants, et que voilà, il finit par se perdre un petit peu. Avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, je vais juste relever un truc dans ce qu'a dit Julien. C'est que Carrie Coon a quand même été à l'affiche de deux films qu'on a mis au programme de transmission. Donc tu l'as probablement déjà vu, Julien. Et lesquels ? En l'occurrence, le Pentagon Papers de Spielberg et Widows de Steve McQueen. Mais aussi Gone Girl et The Leftovers, parce que je me suis fait la remarque en regardant la filmographie de cette actrice qui est très courte jusqu'à présent, mais je m'étais dit que la filmographie qui avait plutôt de la gueule, quoi. C'est vrai, mais oui, c'est vrai. Juste, si je prends la parole tout de suite, je kidnappe la parole parce que je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, Julien, particulièrement sur le fait que y a des qualités dans l'écriture, mais que le film, bizarrement, ne décolle jamais vraiment. Et tu disais, je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Moi, je crois savoir, en fait. C'est que... Donc j'y réfléchis, en effet, je me dis, mais est-ce que c'est l'écriture qui bloque dans ce film ? Mais non, parce que c'est quand même assez bien écrit, enfin c'est assez bien interprété, il y a très peu d'éléments, c'est un truc, c'est le film ne t'arnaque pas sur quoi que ce soit. Mais en fait, le truc, c'est que c'est cette mise en scène hyper distanciée, souvent avec des plans larges, d'assez loin, qui crée un côté assez froid, assez statique, voire même quelquefois un peu théâtral. D'ailleurs, je pensais que le mec était un gars qui écrivait pour le théâtre, mais apparemment non. Enfin, mais bon, je trouve que c'est un mec qui est un peu une veine un peu dramaturge, un peu à la Kenneth Lonergan dont on avait parlé de Manchester by the Sea. Mais donc cette mise en scène très distanciée, eh ben je trouve qu'au bout d'un moment, ça devient une pause. Ça devient une pause, et donc du coup, il n'arrive pas à relever la tambouille qu'il a mis en place. Prends par exemple la scène de justement la sortie du resto où il va discuter avec son pote, son collègue, l'Indien là. Et là, c'est une scène où dramatiquement, ce qui se joue est hyper intéressant en fait. Parce que en effet, Jude Law on lui baisse sa culotte et il est le froc tout nu, le roi est nu, comme disait Manu tout à l'heure, et il a vraiment l'air con. Et pourtant, cette scène manque d'émotion, je trouve, juste parce que par une espèce d'absence de découpage, une espèce de genre je me la pète, je fais du style parce que je reste loin et je découpe pas et je fais du plan séquence, tu vois. Alors que justement, s'il avait essayé, enfin, je sais pas, c'est pas un assez grand réalisateur, je trouve, ou directeur d'acteur ou chorégraphe, que pour réussir à sucer le maximum de cette scène-là pour qu'on soit vraiment avec le comédien, juste en restant avec sa caméra comme ça. Je suis d'accord que cette scène est un peu ratée, mais je crois que l'émotion arrive justement dans ce que je disais après, dans sa résignation dans le taxi, où justement là il est vraiment livré à sa grande solitude. Mais la scène d'avant demeure, assez frustrante pour le spectateur. Mais dans l'ensemble, moi je suis assez d'accord avec Olivier sur cet aspect-là de la mise en scène, et je prolongerai même l'idée dans le sens où je pense qu'un des problèmes du film, c'est un petit peu le genre ou le ton qu'il aborde pour traiter son histoire, et j'ai l'impression qu'en fait il construit dès le début du film une sorte de registre de thriller un petit peu autour de cette relation entre ces personnages là et beaucoup d'éléments de trahison de Jude Law vis-à-vis de Carrie Moon sont traités sous ce registre là lors des cérémonies, des trucs ce qui crée effectivement une distance, parce qu'on ne devrait pas être dans ce rapport là de ce type de tension là et je pense que c'est un film qui t'est vendu un petit peu dans sa mise en scène comme une sorte de thriller, et en fait qui au final ne voudrait n'être qu'un drame familial, et ce qui fait que certains éléments tout d'un coup qui se retrouvent amenés au sein du récit un peu tardivement, notamment la famille de Jude Law ne fonctionne pas, arrive trop tard. Donc voilà, je trouve que c'est pour moi aussi un problème de ton et de genre dans lequel le film s'inscrit. Ouais, alors j'ai plein de choses à dire par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Maintenant, je vais peut-être être celui qui sera le moins mesuré sur le film. Je pense entre autres que cette distance dont parlait très bien, dont vous avez tous très bien parlé, mais qu'a surtout évoqué Olivier, elle participe aussi à l'ambiance générale du film. Avec cette espèce de montage un peu à contre-temps tout le temps, la manière dont il arrive pour moi quand même à, en regardant les choses de loin, à créer une ambiance assez enveloppante et parfois même vénéneuse, qui en effet ne tient pas tout à fait du thriller mais quand même parfois si. Sur certains points, et ça m'étonne pas d'entendre Manu dire ça, le film a pu me faire penser, le film, toute proportion gardée, m'a fait penser à plein de choses, mais sur ce point-là, le film a pu me faire penser au Phantom Thread de PTA. Alors, pour moi, la première qualité de The Nest, c'est comme le faisait déjà, parce qu'en fait, tout ce que vous reprochez au film, c'est quelque chose qui est récurrent chez Durkin, parce que c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans Martha, Marcy May, Marlene. Parce que pour moi, la première qualité de The Nest, c'est d'avancer masqué, en fait. Dans un premier temps, on ne sait jamais exactement vraiment dans quelle direction le film nous intime d'avancer. Dès le premier plan, moi, je me suis dit, OK, on va être dans un mélodrame à la Cirque. Et puis rapidement, très très rapidement, quelques plans plus tard, presque le vernis se craquelle et on pense plus à un Todd Haynes des années 90, quoi. Ou un Nichols avec un drame de mœurs un peu vicié à la Nichols. Et puis à un moment, on se rapproche un peu plus du thriller, donc on pense plus à nouveau, toute proportion gardée, mais à Polanski ou à Shining ou à des trucs comme ça. Et je trouve que de la même manière, sur son propos, le film part un peu dans tous les sens, mais pour le coup, contrairement au film dont on a parlé plus tôt, je trouve qu'il arrive à tirer quelque chose des pistes qu'il donne, des pistes de pensées qu'il donne. Alors il brasse plein de choses en proposant des lectures sur les mœurs, comme je le disais, sur la cellule familiale, un conte analogique sur le danger du néolibéralisme, sur la cupidité, sur l'impossibilité d'atteindre une quelconque de finalité dans la poursuite du rêve américain, cette façon qu'a le personnage de Jude Law de courir après ce rêve dont la fin s'éloigne toujours plus lorsqu'il semble le toucher du bout des doigts. Sur l'oppression du changement qu'on retrouve chez la mère, l'éloignement de la zone de confort de toute la famille, jusqu'à certains moments flirter avec le pur film de Maison Hantée. Voilà, moi je trouve que l'approche est quand même intelligente, même si parfois un peu désincarnée dans la distance qu'il pose par rapport à tout ça. Mais c'est peut-être aussi, alors là, Manu va dire que je surinterprète, mais c'est peut-être au final le propos premier du film, les apparences trompeuses au sein même de la famille, les vernis périssables, je vais dire. Rien ne se passe jamais comme on l'aurait cru, voulu dans ce film et dans la vie, il me semble. J'aime beaucoup la manière dont chacun de ces personnages ne peuvent absolument pas se reposer sur ce qu'ils ont déjà construit, sur ce qu'ils pensent éternel. Donc, ils sont toujours dans un état d'instabilité. Je trouve que c'est une idée... Mais d'instabilité répétitive aussi. Je veux dire, il y a aussi une certaine complaisance aussi à étirer le récit autour de la dynamique entre Jude Law et Carrie Moon qui ne fait que se répéter et qui, à mon sens, aussi participe un peu du ronron qu'évoquait Olivier. Ce qui devrait être conflictuel à des moments dans les personnages n'est pas vraiment traité, est toujours un peu évacué. Ouais, mais je pense que c'est, juste avant de passer la parole à Julien, je pense que c'est aussi lié au fait, et probablement que le réalisateur se projette un peu trop là-dedans et du coup revient très, enfin, comme tu disais, très régulièrement à ça, que le film a été écrit apparemment après un long moment qui aurait expliqué aussi la longue absence au cinéma de ce réalisateur après un divorce très compliqué. Oui, c'est vrai que Olivier le rappelait dans son pitch. D'ailleurs, je me suis aussi beaucoup demandé à quel point le récit était autobiographique, parce qu'on ressent quand même, malgré la distance dont vous parlez, cette proximité avec les thèmes, j'ai l'impression qu'on le ressent très fort. Et je trouve que tu as évoqué un point essentiel, Lucien, en parlant, je trouve pas que tu surinterprètes d'ailleurs, en parlant du vernis qui se craquelle. Et je trouve que l'intelligence du film, justement, est de... Que le vernis dégouline, si je continue l'image, craquelle et éclabousse de ces éclats de vernis trop sec. Et les enfants, parce que Manu disait que ce qui rejaillissait sur sa famille arrivait trop tard. Je trouve pas, en fait, parce que je trouve que dans son dernier tiers, justement, comment les enfants commencent à partir dans tous les sens, la fille qui essaye de se donner de la contenance, qui essaye de se faire des amis, et surtout le trajet du gamin qui m'a assez ému, en fait, notamment dans la symbolique de chercher sa place pendant cette fête qu'organise sa sœur, et puis même comment la violence de ses parents rejaillit sur lui, puisqu'il en vient à frapper quelqu'un. Apparemment, on n'en sait pas plus, mais il y a toute une violence qui ressort par tous les pores de ce gamin, qui était pourtant dans un trajet très juste, parce qu'il commence très heureux, le football, les jeux, les trucs, et il finit complètement sclérosé, mal dans sa peau, à écouter les parents se disputer de mur à mur. Je trouve ça assez beau, Lucien, si tu veux dire un truc. Exactement, je suis parfaitement d'accord avec ça, et je trouve que ce trajet, il est beau aussi parce qu'il est commun, c'est-à-dire que cette famille, elle est mise à mal par un dérèglement commun. Mais le film, malgré ça, arrive quand même à mettre l'accent, pour moi, sur les individualités, qui sont d'ailleurs de plus en plus divergentes. Il y a même un moment où la mère dit « Mais vous êtes tous des étrangers pour moi, quoi. » Et c'est ça qui crée ce dérèglement, parce qu'il y a un moment, en début de film, il y a un coup de pied dans la fourmilière familiale, je veux dire, et puis là, il y a tout qui s'effondre. Le dérèglement tient quand même principalement du personnage de Jude Law. Oui, bien sûr, hein, c'est autour de ça que ça c'est lui qui crée ça, et c'est lui qui va le tenir tout du long du récit. C'est ça aussi qui crée la qualité pour moi de ce rôle, qui a en effet, comme le disait Julien, Jude Law est excellent, comme, mais je pense que Durkin est capable de créer des rôles assez forts, parce que je pense que John Hawkes, qui est un acteur très mésestimé, je pense, dans son précédent film, était excellent aussi. Carrie Coon, moi, j'ai trouvé très bien, mais bref. C'est vraiment, le père, en fait, devient une menace, et c'est pour ça que je parlais en flirtant parfois un peu avec le film de Maison Hantée, c'est pour ça que je parlais de Jack, de Shining avec Jack Torrance, ou de Polanski avec le personnage de... Cassavetes, Woodhouse, si mes souvenirs sont bons. C'est quand même des éléments très cosmétiques et d'ambiance par moment dans la Maison Hantée, mais au final, c'est quand même quelque chose qui ne. Pour le coup, tu me dis, ça évoque, mais il n'en fait pas grand-chose. Il n'en fait presque même, j'ai envie de dire, rien. Mais je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire ce que tu as dit plus tôt sur la maison, parce que pour moi, justement, elle est représentative et elle est. Je trouve la maison brillamment, je veux dire, d'un point de vue architectural, brillamment choisie pour ça. Elle est la représentation, je veux dire, physique en termes de décor, de direction artistique, de l'écartement, de l'écartèlement qui se passe dans cette famille. Et pendant ce temps-là, si le père est moins présent dans cette partie-là, on a quand même tout le contre-champ, je veux dire, politique du film, qui me semble hyper intéressant et qui serait dommage d'éluder, il me semble. Parce que, voilà, le film se passe, et c'est assez clairement dit aussi, dans une seconde partie des années 80. Et l'étincelle qui fait vriller cette famille bien rangée, c'est évidemment le déménagement, mais qui est créé par une volonté du personnage de Jude Law d'aller concrètement faire du fric dans une old-fashioned économie anglaise qui n'est pas du tout prête à ça, elle non plus. Ouais, mais pour moi, il désamorce totalement cet aspect politique parce qu'il le traite sur un aspect pathologique, quoi. Ben, ça fonctionne. Moi, je trouve que tous les échanges entre Jude Law et sur la libéralisation du marché anglais et sur le fait que par Thatcher dans cette période-là et sur le fait que justement il arrive à en créer un cul-de-sac. Ça fonctionne à plein pot et ça tient un peu ouais, du compte moral, mais pour moi ça marche. Ouais, mais à mon sens, le fait de le circoncire à un aspect pathologique du personnage de Jude Law désaborde totalement la dimension politique que tu voudrais y voir, à mon sens. Mais justement, c'est pas du tout pathologique, c'est parce qu'il représente ce rêve américain. Il est parti pour ça, il revient pour ça, pour l'importer, et c'est, du coup c'est pas un truc pathologique chez le personnage, c'est vraiment un truc allégorique plutôt. C'est quand même ça qui fait vriller, c'est quand même ça qui fait vriller une partie du récit, cette dimension pathologique au mensonge et à la dénégation du personnage de Jude Law, et donc à mon sens c'est comme ça aussi qui désamorce le propos politique qui pourrait y avoir dessus. Hein. Très bien, merci messieurs, on va s'arrêter là et on passe tout de suite au conseil, car je pense que nos amis Julien Rombaud et Manuel As en ont un chacun. Par contre, Lucien Alfland, c'est parti fâché, se défouler, taper dans un sac. Alors Julien, quel est votre conseil pour ce soir? Mais mes chers confrères ont beaucoup évoqué Mohamed Ali, Ali de Man tout à l'heure. Voilà, on va en parler une troisième fois, mais moi j'ai soudain été pris d'une envie de revoir Raging Bull en voyant le début de One Night in Miami, ce que j'ai fait. Est-ce que tu vas conseiller Raging Bull? Bah oui, par rapport aux scènes de boxe que je trouvais tellement molles, tellement mollassonnes et peu incarnées dans ce brave One Night in Miami, je me disais que voilà, l'implacable Raging Bull est quand même toujours un film à voir et à revoir. C'est pour ça que je disais que le conseil n'était peut-être pas absolument vital et nécessaire, mais ceci dit, je trouve que pour l'avoir revu, notamment pour les scènes de boxe, mais en plus pour sa plongée dans les tréfonds de l'âme, comme le fait Scorsese, et l'ascension et la chute de son personnage principal, qui annonce les affranchis casino, et qui annonce même par sa déchéance un peu grand guignolesque le Loup de Wall Street, par exemple, c'est quand même un grand Scorsese, et donc un grand film d'un des derniers, enfin, je ne vais pas dire ça, d'un des grands réalisateurs vivants aujourd'hui, qui est d'ailleurs mon préféré, comme vous le savez sûrement. Raging Bull et tout Scorsese. Même Kundun. Manu. Ben moi, mon petit conseil de ce soir, ça sera la dernière fournée en date de la collection Make My Day, supervisée par Toré, qui est Le procès de Julie Richard, de Larry Pierce, qui est un film de 64 et qui traite de mariage mixte aux États-Unis. Donc, c'est une jeune femme divorcée qui emménage dans une petite ville des États-Unis avec sa fille et qui va se nouer une relation avec un de ses camarades d'usine qui se trouve être noir et qu'elle va épouser jusqu'au retour de son ex-mari qui va demander, réclamer la garde de l'enfant. Et c'est un film absolument poignant sur cette question-là du droit et des mœurs américaines. Donc voilà, c'est vraiment une très belle découverte. C'est un film aussi qui pourrait avoir une certaine parenté qu'on pourrait mettre en parallèle avec le Loving de Jeff Nichols qu'apprécie grandement Lucien, si je ne m'abuse. Absolument. Donc voilà, encore une petite pépite redécouverte au sein de cette collection. Donc si vous ne l'avez pas vu comme moi auparavant, c'est une bonne occasion d'investir dans du support physique. Très bien, merci Manu. Eh bien, désolé pour cette fin d'émission légèrement précipitée, mais ce fut quand même une grande revue de la VOD ce soir. On reviendra, je l'espère, d'ici quelques semaines avec pas encore des films en salle, je pense, mais en tout cas d'autres films intéressants ou pas. Voilà, merci Lucien, merci Julien. Merci les gars. Merci. Merci Manu. Merci, merci. Et merci de nous écouter. Et merci de nous écouter. Likez-nous, abonnez-vous. Partagez-nous. Partagez-nous, s'il vous plaît. Allez, soyez sympas. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.